Vie des peintres, sculpteurs et architectes, par Giorgio Vasari, traduction par Léopold Leclancher, tome 1. Giovanni Cimabue, peintre florentin. La malheureuse Italie avait vu disparaître, au milieu du déluge de calamités qui la bouleversa, tout ce qui pouvait porter le nom d'édifice, et même tous les hommes qui cultivaient les arts, lorsque, l'an 1240, naquit à Florence de la noble famille des Cimabue, Giovanni Cimabue, que Dieu destinait à remettre en lumière l'art de la peinture. En grandissant, Cimabue donna des preuves d'intelligence qui engagèrent son père à l'envoyer étudier les lettres à Santa Maria Novella, auprès d'un de ses parents qui enseignait la grammaire aux novices du couvent. Mais Cimabue, cédant à un penchant naturel, au lieu d'écouter les leçons, passait tout son temps à dessiner sur ses livres des hommes, des chevaux, des maisons et d'autres fantaisies. La fortune vint d'ailleurs favoriser sa vocation. Quelques Grecs appelés à Florence par les chefs de la ville qui voulaient y faire revivre la peinture plutôt entièrement perdue qu'écartée de la bonne route, commencèrent entre autres choses la chapelle des Gondi, dont les voûtes et les parois sont aujourd'hui presque entièrement dégradées par le temps, comme on peut le voir à Santa Maria Novella. Entraîné par son amour pour le dessin, Cimabue s'échappait souvent de l'école et restait des journées entières à regarder travailler ses peintres qui ne tardèrent pas à le remarquer. Ils pensèrent que notre jeune élève irait loin si l'on cultivait ses dispositions. Le père de Cimabue partagea cet avis et leur confia son fils dont la joie fut grande alors. Grâce à son application et à ses qualités naturelles, il surpassa bientôt dans le dessin et le coloris ses maîtres qui, se souciant peu de sortir de leur ornière, se contentaient de produire des ouvrages dans ce style barbare qui caractérise cette époque et qui est si différente de la bonne et antique manière grecque. Cimabue, tout en imitant d'abord ces Grecs, perfectionna leur art et franchit les grossières limites de leur école. Peu de temps après, son nom et ses ouvrages faisaient la gloire de sa patrie. Tout le monde admirait le devant de l'autel de Santa Cecilia, et cette Madone qui ornait et orne encore un pilastre du cœur de Santa Croce. Il peignit ensuite d'après nature sur un fond d'or un Saint François qui l'entoura de 24 petits tableaux renfermant l'histoire de la vie du saint. Après avoir achevé ce travail, il entreprit pour les moines de Vallombrosa, dans l'abbaye de la Santa Trinita de Florence, un grand tableau où il ne négligea aucun effort pour justifier la haute opinion qu'on avait conçue de lui. Il y représenta sur un fond d'or des anges en adoration devant l'enfant Jésus soutenu par la Vierge. Ce tableau fut placé par les moines sur le maître-autel de leur église. Plus tard, il céda la place à une peinture d'Alesso Baldovinetti et fut relégué dans une petite chapelle de la nef gauche. Cimabue peignit ensuite, à fresque, l'Annonciation de la Vierge et Jésus-Christ avec Cléophas et Luc, sur la façade principale de l'hôpital del Porcellana, situé au coin de la Via Nuova, qui conduit au bourg d'Ognissanti. Dans ses compositions, dont les personnages sont grands comme nature, il s'affranchit du joug de la vieille manière et traita ses figures et ses draperies avec un peu plus de vivacité, de naturel et de souplesse que les Grecs, si raides et si secs, aussi bien dans leur peinture que dans leur mosaïque. Cette vieille manière dure, grossière et plate était le fruit non de l'étude mais d'une routine que les peintres d'alors se transmettaient l'un à l'autre depuis nombre d'années sans songer jamais à améliorer le dessin, le coloris ou l'invention. Le gardien, qui avait jadis confié à Cimabue les travaux de Santa Croce, l'appela de nouveau pour exécuter le grand crucifix en bois qui orne l'église encore aujourd'hui. Satisfait de cet ouvrage, le gardien conduisit notre artiste à Pise, où il lui fit peindre, dans le couvent de San Francesco, un Saint François qui fut regardé comme un chef-d'œuvre. La tête du saint et les plis des draperies offraient des qualités que jamais l'école grecque n'avait montrées à Pise, ni même dans toute l'Italie. Cimabue laissa en outre, dans l'église de San Francesco, une Madone avec l'enfant Jésus et une foule d'anges alentour. Ce tableau de grande dimension et sur fond d'or fut enlevé de la place qu'il occupait d'abord et transporté à gauche de la porte d'entrée, lorsqu'on construisit l'autel de marbre qui existe à présent. Cimabue fut comblé d'éloges et largement récompensé par les pisans. Il peignit également dans leur ville, à la demande de l'abbé de San Paolo in Ripa d'Arno, une Sainte Agnès placée au milieu de petits tableaux dont les sujets étaient tirés de sa propre vie. Cet ouvrage se trouve actuellement sur l'autel d'Elia Vergine. Tous ces travaux rendirent illustre Cimabue et le firent appeler à Assise, où il peignit dans l'église souterraine de San Francesco une partie des voûtes et sur les parois la vie de Jésus-Christ et celle de Saint François, en compagnie de quelques peintres grecs qu'il laissa bien loin derrière lui. Encouragé par ce succès, il entreprit sans aucune aide les fresques de l'église supérieure. Sur quatre parois de la grande tribune, au-dessus du cœur, il représenta la mort de Marie, Jésus-Christ transportant au ciel l'âme de sa mère sur un trône de nuages et un cœur d'ange assistant au couronnement de la Vierge. Le bas de cette composition était rempli d'une foule de saints et de saintes, aujourd'hui détruits par le temps et la poussière. Cimabue divisa ensuite la voûte de l'église en cinq compartiments. Dans le premier, au-dessus du cœur, il peignit les quatre évangélistes plus grands que nature. On reconnaît encore aujourd'hui dans ces figures d'éminente qualité. La fraîcheur du coloris montre que, grâce aux efforts de Cimabue, la fresque faisait des progrès remarquables. Le second compartiment est semé d'étoiles d'or sur un fond d'outre-mer. Le troisième renferme quatre cadres circulaires occupés par Jésus-Christ, la Vierge, Saint Jean-Baptiste et Saint François. Le quatrième, comme le second, est couvert d'étoiles d'or sur un fond d'outre-mer. Enfin, le cinquième contient les quatre docteurs de l'Église, accompagnés des quatre premiers ordres religieux. Après avoir terminé cette voûte avec un soin incroyable, Cimabue décora également à fresque la partie supérieure des parois de l'Église. À gauche de l'autel, il représenta 16 sujets de l'Ancien Testament et à droite, en face, 16 sujets tirés de la vie de la Vierge et du Christ. Sur les parois où se trouve la porte principale et autour de la rosace, il peignit l'ascension et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Ces fresques, d'une grandeur et d'une richesse extraordinaires, durent sembler des prodiges aux yeux du peuple de ce temps, si l'on songe aux ténèbres qui environnaient alors la peinture. L'an 1563, je les revis et je restais étonné en pensant à quelle hauteur Cimabue avait su s'élever dans ce siècle d'ignorance. De toutes ces peintures, celles de la voûte naturellement moins exposées à la poussière se sont le mieux conservées. Cimabue commença ensuite la décoration de la partie inférieure des parois. Mais, rappelé à Florence par quelques affaires, il abandonna ce travail qui fut achevé longtemps après par Giotto, comme nous le dirons en son lieu. De retour à Florence, Cimabue exécuta plusieurs sujets de la vie du Christ, très bien dessinés, dans le cloître de Santo Spirito. À la même époque, il envoya plusieurs de ses ouvrages à Empoli, où on les conserve précieusement encore aujourd'hui, dans l'église du château. Il fit ensuite pour Santa Maria Novella la Madone qui est placée entre la chapelle des Rucellai et celle des Bardi de Vernio. Cette figure, la plus grande que l'on eût tentée jusqu'alors, est entourée d'anges qui témoignent que, si notre artiste n'avait pas complètement délaissé la manière grecque, il s'était du moins approché du bon style moderne. Ce tableau excita l'enthousiasme général. Le peuple s'empara de la Madone et la porta en triomphe au bruit des trompettes et des cris de joie jusqu'à l'église où elle devait être déposée. On raconte et on lit, dans les mémoires de quelques vieux peintres, que les magistrats de Florence ne crurent pouvoir faire un plus grand plaisir au roi Charles d'Anjou qui traversait leur ville, qu'en lui montrant cette Madone à laquelle Cimabue travaillait dans une maison de campagne près de la porte San Piero. Comme personne ne l'avait encore vue, tous les Florentins, hommes et femmes, accoururent en foule pour la contempler. En souvenir de cette fête, le faubourg prit le nom de Borgo Allegri, qu'il a conservé même depuis qu'il est renfermé dans les murs de la ville. Cimabue peignit ensuite en détrempe un petit tableau que l'on trouve dans le cloître de San Francesco de Pise, non loin de la porte qui conduit à l'église où il avait déjà laissé plusieurs ouvrages de sa main, comme nous l'avons dit plus haut. Ce tableau représente un Christ entouré d'anges qui porte à la Vierge éplorée une inscription contenant ces paroles « Mulier hece filius tuus », une autre inscription où on lit « Hece mater tua ». s'adresse à saint Jean l'évangéliste accablé de douleur. Enfin, un ange tient ces mots « Ex illia ora accepit eam discipulus in suam ». Il faut remarquer que Cimabue ouvrit ainsi la voie à l'invention en appelant les paroles à l'aide de la pensée, méthode aussi bizarre que neuve. Ces travaux avaient valu à Cimabue une grande fortune et une immense réputation. Il fut alors adjoint à Arnolfo Lapi, habile architecte, pour construire Santa Maria del Fiore. Mais il mourut l'an 1300, à l'âge de 60 ans, après avoir en quelque sorte ressuscité la peinture. Il laissa plusieurs élèves, et entre autres Giotto, qui fut un peintre du plus haut mérite. Giotto habita dans la rue del Cocomero, la propre maison de son maître Cimabue, après la mort de celui-ci. Cimabue fut inhumé dans l'église de Santa Maria del Fiore. Nini composa en son honneur l'épitaphe suivante. Credidit ut cimabos picturae castra tenere, sic tenuit vivans, nunc tenet astra poli. Malheureusement pour Cimabue, sa gloire fut obscurcie par celle de son élève Giotto, comme le témoigne le Dante dans le 11e chant de son purgatoire où, en faisant allusion à l'épitaphe que nous avons citée tout à l'heure, il dit « Credete Cimabue nellia pintura » Tener lo campo ed ora a Giotto il grido, sicché la fama di colui oscura. À propos de ces vers, un commentateur du Dante qui vivait du temps de Giotto, 10 ou 12 ans après la mort du poète, c'est-à-dire vers l'an 1334, écrivait ses propres paroles. Cimabue de Florence, contemporain de l'auteur, fut un peintre aussi noble qu'on peut l'imaginer. Il était si fier et si hautain qu'il n'hésitait jamais à détruire un ouvrage, si précieux qu'il fût, dès qu'on lui faisait apercevoir ou dès qu'il apercevait lui-même un défaut. Et cependant, comme cela arrive aux artistes, il ne fallait accuser que la matière ou l'outil. De tous les peintres de la même ville de Florence, Giotto fut et est encore le plus éminent, comme le prouvent ses ouvrages à Rome, à Naples, à Avignon, à Florence, à Padoue et en beaucoup d'autres endroits, etc. Ce commentaire est aujourd'hui entre les mains du révérend Messer Don Vincenzio Borghini, prieur d'Agi Nozanti. Homme illustre, non seulement par sa noblesse, sa bonté et son savoir, mais encore par son amour éclairé des beaux-arts. Aussi a-t-il justement mérité d'être choisi pour lieutenant du Duc Cosme dans notre Académie du dessin. Mais revenons à Cimabue. Il n'est que trop vrai que sa renommée s'éclipsa devant celle de Giotto, de même qu'une petite lumière pâlit à côté des rayons éclatants d'un grand foyer. Cimabue fut le premier qui restaura l'art de la peinture, mais Giotto, son élève, aiguillonné par une louable ambition et favorisé du ciel et de la nature, ouvrit la porte de la vérité à ceux qui ont poussé l'art à cette perfection et à cette hauteur où il se trouve à présent. Notre siècle, accoutumé à voir chaque jour les prodiges et les miracles enfantés par nos artistes, est arrivé au point de rester presque indifférent devant les plus merveilleux chefs-d'œuvre, quoiqu'ils semblent dus à la divinité elle-même plutôt qu'au génie de l'homme. Heureux encore seraient ceux qui embrassent avec courage cette pénible carrière, si au lieu d'éloges et d'encouragements, ils ne recueillaient pas le blâme et même souvent la honte. Simone de Sienne introduisit le portrait de Cimabue dans son tableau de la foi que possède le chapitre de Santa Maria Novella. Le visage est de profil et maigre, la barbe courte, un peu rousse et pointue. Le front est couvert d'un chaperon qui enveloppe le cou avec grâce. À côté, Simone se peignit lui-même de profil, à l'aide de deux miroirs. Entre eux, un soldat armé représente, dit-on, le comte Guido Novello, alors seigneur de Poppi. Il me reste à dire que, dans un livre où j'ai rassemblé des dessins de tous les artistes qui ont existé depuis Cimabue, on voit, de la main de ce maître, plusieurs petites miniatures qui, toutes grossières qu'elles paraissent aujourd'hui, peuvent montrer combien le dessin s'améliora dans ses mains.